Chapitre 50e. Chérubin entra au café de Paris, alors, comme on sait, le restaurant à la mode parmi les jeunes gens riches et oisifs, qu'on désignait sous la qualification collective de Lion. Il entra, la tête haute, la démarche insolente, en homme qui sait sa valeur. Deux jeunes gens, qui précisément se trouvaient la veille à son club au moment où le comte Artoff avait proposé son étrange pari, déjeunaient dans l'embrasure d'une croisée et le saluèrent de la main. Chérubin alla vers eux. « Eh bien, dit l'un, la nuit porte conseil, n'est-ce pas ?»« Sans doute. Vous avez réfléchi. Plaît-il » demanda Chérubin avec hauteur. « Je veux parler du pari. Eh bien, mais vous étiez gris hier. Moi ? C'est probable, car sans M. de Cambol, vous teniez le pari. » « Ces Suédois ont du bon et quelque sang-froid, » observa le convive de l'interlocuteur de Chérubin. « Vous êtes dans l'erreur, » répondit celui-ci. « Cambol me rappelait un rendez-vous que j'avais ce matin. « Hein ? Jeudi ?» répéta froidement Chérubin, qui savait au besoin mentir avec aplomb. « Je dis que M. de Cambol m'a rappelé hier que je ne m'appartenais pas, et par conséquent ne pouvait, avant aujourd'hui, accepter les propositions du comte. « Ah ça ! Mais vous vous êtes donc battu ce matin ? Peut-être. Avec qui ? Pardon, je n'affirme rien, je dis peut-être. Or, si je ne conviens pas du fait lui-même, je puis encore moins vous dire, c'est juste. Mille pardons de l'indiscrétion. » Chérubin s'inclina. « Ainsi, ce pari sera tenu. Bon. Mais, dit Chérubin, avec un sourire superbe, vous me permettrez de vous faire observer que je n'ai pas l'habitude de faire blanc de mon épée. Comment, vous tenez le pari ? Certainement. Et vous vous ferez aimer de la baccara ? Incontestablement, ou le comte me tuera. Seulement, au lieu de demander 15 jours, vous prendrez un mois ? Non, une semaine. Bravo ! S'écrièrent les deux jeunes gens avec admiration. Chérubin les salua, alla s'asseoir à une table voisine et se fit servir à déjeuner. Quelques minutes après, le baron de Manerve entra, et sans voir Chérubin, il s'approcha des deux jeunes gens avec lesquels celui-ci venait d'échanger quelques mots. « Messieurs, leur dit-il, vous étiez hier au club, je crois, parbleu. Alors vous savez le pari, sans doute ? Eh bien, conseillez M. de Verny de ne pas le tenir. » Chérubin, à qui le baron tournait le dos, entendit ces mots et tressaillit. « Pourquoi ? Demanda-t-on. « Parce que le comte Artoff est déjà en pied, ou chez Baccara. « Oh, déjà ? En voulez-vous la preuve ?» Et le baron tira de son carnet à carte de visite un petit billet plié en quatre et dont le cachet armorié en cire bleue paraissait brisé tout récemment. « Artoff devait venir déjeuner chez moi ce matin. Voyez ce qu'il m'écrit à 10 heures. » Et le baron lut tout haut. « De notre hôtel de la rue de Moncey. Mon cher baron, l'homme propose, la femme dispose. Cette sentence n'a d'autre but que de vous prouver que Baccara ne veut pas que j'aille déjeuner chez vous aujourd'hui. La belle folle a ses nerfs, dit-elle, et a besoin de grand air. Nous allons croquer un poulet froid et une côtelette au coin du feu, et nous sortirons en voiture tantôt. Pardonnez à un homme heureux. Comte Artoff. » Après avoir lu, le baron tendit la lettre à ses deux interlocuteurs. « Voyez, dit-il, le comte a écrit sur du papier jaune paille marqué d'un B. Le chiffre de Baccara, précisément. « Tiens, il y a un post-scriptum, et d'une autre écriture. »« Ah ! » fit le baron, « c'est une ligne de Baccara elle-même. » Et le baron lut encore. « Merci, cher Manerve, de votre cadeau. Votre petit russe est charmant, et je suis capable de l'aimer, d'autant mieux que je touche à la trentaine, l'âge où les femmes trouvent un cœur, quelquefois. Baccara. »« Ah, diable !» murmura l'un des jeunes gens. « Ces derniers mots sont plus que significatifs. Vous trouvez ?» Et Chérubin aura tort de tenir le pari. Aussi ne le tiendra-t-il pas ? Dit le baron. Il le tiendra. Bon, demandez-le lui. Et le jeune homme indiqua du doigt M. Oscar de Verny, qui déjeunait fort tranquillement en écoutant cette conversation. Le baron se retourna. Parbleu, vous étiez là, M. de Verny ? Oui, baron. Et vous avez entendu ? J'ai entendu. Eh bien, je trouve le comte un homme très heureux. Le baron sourit. « Mon Dieu, » fit dédaigneusement Chérubin, « le comte est si riche. »« Il est fourbu. »« Bon, il est blond, » ricana Chérubin. « Toujours est-il que vous avez bien fait de ne pas tenir le pari. »« C'est ce qui vous trompe, car je le tiens. »« Vous le tenez, plus que jamais. »« Vous êtes fou. »« C'est fort possible, mais je tiens le pari. »« Chérubin jeta un louis au garçon et se leva. Son cheval était devant la porte aux mains de son groom. « Baron, dit Chérubin, en saluant les trois membres de son club, savez-vous, je pourrais rencontrer le comte ?»« Mais, répondit M. de Manerve en riant, chez Baccarat, j'irai. Ce sera une façon de présentation qui ne manquera point d'originalité. Adieu, messieurs. » Et Chérubin sortit, sauta lestement en selle, et prit au petit trot la route du bois où il avait rendez-vous à Madrid avec M. le vicomte de Cambolle. « Voilà un homme mort, dit froidement le baron en le voyant s'éloigner. « Bon. Je vous répète, messieurs, dit M. de Manerve, que Chérubin est un homme mort. Baccarat ne l'aimera point. Et vous croyez que dans ce cas, le comte est homme à le tuer ? Je le crois. » Le baron articula ces trois mots avec conviction et ajouta « D'abord, le comte est un jeune homme qui fait peu de cas de la vie humaine. Ensuite, Chérubin l'a froissé dans son orgueil. Je vous le répète, Chérubin est un homme mort. » « Eh bien, répondit l'un des jeunes gens en se versant à boire, « requiescat in pace. »« Amen, acheva le baron. » Peut-être, avant d'aller plus loin, est-il nécessaire de dire en peu de mots ce qu'était ce personnage de notre histoire qui était doué de ce merveilleux pouvoir de séduction et qu'on nommait Chérubin. L'origine de cet homme était aussi étrange que sa beauté. 30 années auparavant, une riche et belle Irlandaise, Mrs. Blackfield, quittait Dublin à bord d'un navire qui se rendait aux Indes. Peut-être y avait-il dans la résolution de Mrs. Blackfield, qui était veuve depuis 1 an, quelques motifs secrets autres que l'humeur vagabonde qui s'empare toujours d'une Anglaise excentrique à un moment donné de sa vie. Peut-être songeait-elle qu'elle avait, au mouillage de Calcutta, un beau cousin, midshipman, sur un navire de Sa Majesté britannique, lequel cousin avait 26 ans, avait professé un violent amour pour elle à son dernier voyage à Dublin, et deviendrait fou de joie en la voyant arriver veuve, libre et tenant à la main un portefeuille contenant 1 million de banknotes et de traite sur les comptoirs de la Compagnie des Indes. Malheureusement, l'intrépide Irlandaise avait fait ses calculs de bonheur d'une façon trop exclusive. Elle n'avait pas voulu admettre les chances adverses d'une si longue course. Un gros temps assaillit le navire à la hauteur du cap de Bonne-Espérance, qu'il ne parvint à doubler qu'en perdant sa mâture et en jetant à la mer une partie de sa cargaison. Quand le beau temps reparut, une voile se montra à l'horizon. C'était un pirate colombien qui arrivait après la tempête en véritable oiseau de proie des mers. Le pauvre navire désemparé essaya vainement de fuir. Le pirate était fin voilier. Il aborda le navire le pistolet au poing, s'en empara, jeta l'équipage à la mer, et il allait en faire autant de Mrs. Blackfield lorsqu'il s'aperçut qu'elle était jolie et comme il était à marier, il la prit pour femme. Le capitaine colombien était jeune, beau, admirablement pris dans sa taille élégante et moyenne, et la romanesque Mrs. Blackfield, tout en se repentant amèrement d'avoir quitté sa paisible ville de Dublin, où elle aurait certainement trouvé un époux de son choix bien avant l'expiration de son deuil, la romanesque Mrs. Blackfield, disons-nous, s'avoua qu'elle aurait pu tomber beaucoup plus mal encore. En effet, le colombien était beau en dépit de son teint cuivré, de ses lèvres un peu épaisses et de ses cheveux d'un noir verdâtre, signe caractéristique de la race indienne. En un mot, c'était un peau rouge assez agréable à l'œil et qui acheva de séduire la pauvre Mrs. Blackfield en lui débitant quelques compliments à peu près tournés à l'européenne. 10 ans s'écoulaient pour Mrs. Blackfield entre le ciel et l'eau, dans la cabine de cet époux forcé qui, du reste, était fort sérieusement épris de sa beauté éblouissante. Un fils était né de cette union de hasard, un petit garçon presque aussi brun que son père, dont l'œil était noir, profond et respirait un charme étrange, dont la chevelure d'ébène descendait en boucles capricieuses et touffues sur ses épaules demi-nues. Le pirate, ayant fait fortune, se décida un beau jour à aller vivre honnêtement dans sa patrie et à briguer les honneurs auxquels a droit tout bon colon bien enrichi et possesseur d'une femme blanche. Malheureusement, il était écrit que Mrs. Blackfield ne jouirait jamais du calme qu'elle n'avait cessé de rêver depuis son fatal départ de Dublin. Ce pirate colombien n'avait plus que quelques centaines de lieues marines à faire pour être à jamais à l'abri des représailles de ces nations d'humeur grondeuse qui coursussent aux écumeurs de mer. Lorsqu'une frégate anglaise le découvrit, lui donna la chasse et le prit à l'abordage. Tout l'équipage du pirate fut jeté par-dessus le bord. On ne fit grâce qu'à Mrs. Blackfield et à son enfant, qui fut ramené en Europe. La pauvre femme s'était prise à aimer son redoutable époux. Le pirate mort, la sensible Mrs. Blackfield s'abandonna à un désespoir sans limite, et elle mourut le jour même où la frégate victorieuse entrait dans la Tamise. L'enfant du Colombien et de Mrs. Blackfield avait 10 ans alors. C'était déjà un mousse hardi qui promettait de faire un marin. Il demeura à bord de la frégate, fit avec elle le tour du monde et relâcha, 2 ans après, précisément dans un port de Colombie. Là, entendant parler l'espagnol corrompu qui avait été sa langue maternelle, le petit chérubin déserta et passa à bord d'un corsaire de son pays. De 10 à 20 ans, chérubin fut un jeune loup de mer. À 20 ans, chose rare, la mer l'ennuya. Il se prit à rêver de l'Europe et de Paris. Il avait combattu vaillamment, il a eu sa part des prises. Il s'embarqua pour la France avec 100 000 francs environ. Chérubin voulait voir du pays. Sur le navire qui le transportait en Europe se trouvait un vieillard, un Français, que le souvenir de sa patrie avait poursuivi pendant 50 années d'exil et qui, au terme de sa carrière, voulait revoir une dernière fois son berceau. Monsieur de Verny, c'était son nom, était parti cadet de famille avant la Révolution, sans autre avoir qu'une pacotille, et il était allé chercher fortune au Brésil. La fortune lui avait souri. Il revenait riche en France et espérait y découvrir quelque lointain héritier qui porterait son nom, car presque toute sa famille avait péri sur l'échafaud révolutionnaire. Chérubin possédait déjà ce charme du regard, cette séduction de l'organe, ce sourire fascinateur qui agissait aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Il plut à M. de Verny et se lia avec lui pendant les 3 mois que dura la traversée. Ils vinrent ensemble à Paris. Ils descendirent dans le même hôtel. Chérubin aida M. de Verny dans ses recherches. Au bout de quelques mois, le vieux gentilhomme avait la preuve que toute sa famille était éteinte et qu'il était le dernier de son nom. Il adopta Chérubin, il se fit son mentor, il redevint jeune pour lui. 3 ans après, c'est-à-dire au moment où il atteignait sa 23e année, Chérubin se trouva seul au monde par la mort de son père adoptif et riche de 30 à 40 000 livres de rente. À partir de ce jour, l'enfant de Colombie se fit franchement viveur et parisien. Il dévora en peu d'années la fortune du vieux gentilhomme, vécut souvent jour le jour, se fit joueur, duelliste, et s'acquit une véritable célébrité de charmeur, d'homme auquel on ne pouvait résister dans un certain monde. On sait ce que Sir William et Rocambole attendaient de lui. Qu'on nous pardonne ces détails, qui nous paraissent indispensables pour établir l'authenticité de ce fait, extraordinaire en apparence, que Chérubin avait accepté le pari du jeune comte Artof. Chérubin sauta donc en selle en sortant du café de Paris et gagna le bois de Boulogne. Rocambole était déjà au rendez-vous. Le prétendu vicomte suédois était toujours d'une exactitude militaire lorsqu'il s'agissait des affaires de l'association dont il était le second chef. Les jeunes gens, à cheval tous deux, se rencontrèrent devant Madrid, échangèrent un salut de la main, rangèrent leurs montures côte à côte et commencèrent à faire le tour du bois au pas, causant à demi-voix. « Eh bien, demanda Rocambole à Chérubin, que vous a dit Madame Malassis? L'avez-vous vue hier au soir ?»« Oui. La marquise est venue chez elle dans la soirée et a appris que j'étais sorti. Ah, diable !»« Madame Malassis prétend que cette sortie prématurée m'a fort compromis. Comment cela ?» En m'ôtant ses yeux, ma physionomie intéressante et romanesque. C'est peut-être vrai. Entre nous, dit Chérubin, nous avons peut-être gauchement agi, mon cher vicomte. En quoi? En ce que vous m'avez fait prendre, pour fléchir la marquise, une voie détournée qui ne me permet d'exercer aucune de mes facultés. Je ne comprends pas, dit gravement Rocambole. Écoutez, si on m'appelle Chérubin le charmeur, c'est que probablement j'ai dans la voix, dans le regard, dans l'ensemble de ma personne, quelque chose de fascinateur et de magnétique. Ce quelque chose a d'abord agi sur la marquise. C'est vrai, et agit très fortement. Plus fortement peut-être que la comédie du duel. Mais en admettant la puissance de ce dernier moyen, il faut convenir que nous en attendions beaucoup mieux. La marquise, dès le lendemain matin, avait couru chez Madame Malassis. En apprenant que j'étais blessé, elle s'était évanouie. Elle avait fait une demi-confidence en revenant à elle. « Il est certain, murmura Rocambole, que je crus un moment qu'avant 2 jours, elle monterait chez vous pour savoir par elle-même comment vous alliez. « Eh bien, vous vous êtes trompé comme moi, » reprit Chérubin. « La marquise est venue tous les jours, il est vrai, chez Madame Alassis, mais elle n'a jamais prononcé mon nom. Elle a eu le calme et le sang-froid d'attendre que la veuve lui donna de mes nouvelles. « Mon cher, » dit brusquement Rocambole, « nous avons besoin cependant de hâter un dénouement. Je ne demande pas mieux. À dater d'aujourd'hui, nous n'avons plus que 7 jours. » Chérubin tressaillit. « Passer ce délai, tout est perdu. »« Eh bien, » dit Chérubin, « ménagez-moi un tête-à-tête avec la marquise. Vous l'aurez. Quand ? Ce soir même, chez Madame Malassis. » Rocambole, en parlant ainsi, obéissait comme d'inspiration à Sir Williams, lequel avait compris qu'il fallait absolument remettre en présence la marquise et Chérubin, mais il s'en rapportait à sa propre imagination pour les moyens d'exécution. « Dois-je écrire à Madame Malassis ? » demanda Chérubin. « C'est inutile. »« Alors comment ferons-nous ? Ceci me regarde. Seulement, soyez chez vous ce soir à 8 heures. »« À propos, » dit Chérubin, « vous m'avez écrit ce matin ? » ?»« Oui. » »« Et vous m'avez dit dans votre lettre que le chef m'autorisait à tenir le pari du comte ? » ?»« Certainement. » « Je sors du café de Paris, où j'ai déjeuné près de Manerve et de quelques autres de nos amis. Eh bien, j'ai dit que je tenais. Ma foi, » pensa Rocambole, « cela regarde Sir Williams, puisqu'il croit qu'on fait très bien plusieurs choses à la fois. Mon avis est à moi et que c'est une folie. » Et Rocambole répliqua tout haut, « Je commence à croire que vous ferez bien de tenir ce pari. » Au moment où le président des ballets de cœur s'exprimait ainsi, une jolie calèche bleue apparut à l'extrémité opposée de l'allée que remontaient les 2 cavaliers. Cette calèche, précédée par un piqueur, attelé de 4 chevaux noirs conduits à la Daumont, descendait l'avenue au grand trot. « Parbleu, » dit Rocambole à Chérubin, « je crois que vous n'aurez pas allé bien loin pour informer le comte Artof que vous tenez son pari, le voici, croyez-vous. Du moins, ce sont bien sa livrée et ses chevaux, à moins que la calèche ne soit vide. » Mais la calèche n'était pas vide. Un homme et une femme s'y trouvaient, se regardant et se tenant par la main. C'était Baccarat et le jeune comte. « Voilà qui tombe à merveille, » s'écria Chérubin, « et je vais me présenter moi-même à Madame Baccarat. » Et Chérubin mit son cheval en travers de l'avenue, faisant signe au postillon du comte d'arrêter.